Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Olivier Guimond et le génie du burlesque. J'ai joué très souvent avec lui. Ouais. Et je lui donnais la réplique, puis il n'y a pas une fois. Pas une fois où il ne m'épatait pas d'abord. Puis là, ouais, je devenais spectateur à côté de lui sur la scène. Écoute, il savait tomber d'une façon extraordinaire. Il savait tout faire d'une façon extraordinaire. Oui. Gilles Latulippe, lui-même un géant de la scène du burlesque au Québec, témoigne de son admiration pour Olivier Guimond à l'émission L'autobus du show business, animée par Jean-Pierre Ferland en 1987. Olivier Guimond débute sa carrière sur scène au début des années 30, avant de devenir une vedette de la télévision, une grande vedette de la télévision, à partir de la fin des années 50. Charlie Chaplin du Québec pour certains, père de l'humour québécois pour d'autres. Son importance est en tout cas immense, tant et si bien que c'est son prénom qu'on va donner au trophée remis chaque année au meilleurs humoristes québécois lors du gala des Oliviers. Et vous, à quel moment avez-vous commencé à faire du théâtre, là? Moi, j'ai commencé en 1931, la saison 31-32, à Québec, au Théâtre impérial, avec mon père. Et, au tout début, c'était pendant les vacances d'été. Papa, dit, tu veux absolument faire, et bien, on va te donner une chance. Alors, j'ai commencé comme jeune premier, un petit rôle, quoi. Naturellement, quand il y avait des tartes à recevoir ou quoi que ce soit, c'est moi qui les recevais, oui. pour me décourager, vous comprenez? Mais je n'ai pas resté longtemps avec papa, j'ai resté à peu près un an. Et comme jeune premier, le straight, quoi, qu'on appelait le straight man, ça me disait rien. Je les donne, mes tartes! Je les donne, tes tartes! Ils sont gratis, ils coûtent rien! Ils goûtent rien! Ils coûtent rien! Au moins, ils sentent l'ail, par exemple. Tu veux me ruiner? C'est ça? Au moins! T'es sûr que tu veux me ruiner? Ça va me faire plaisir, à part ça. Tu veux encore me ruiner? Mais branchons! Extrait de la série télévisée « Cher Olivier », réalisé par André Melançon en 1997. Juste avant, vous entendiez Olivier Guimond répondre aux questions de Lisette Gervais à l'émission « Le bel âge » en mars 1963 pour revivre les moments forts de cette carrière exceptionnelle qu'aura Olivier Guimond. Olivier Guimond fils, pour être plus précis. Je reçois Pierre Lavoie, qui est doctorant en histoire à l'Université de Montréal, qui se passionne pour cette scène du cabaret, du théâtre burlesque du début du 20e siècle. Pierre Lavoie, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Qu'est-ce qu'il représente, Olivier Guimond, dans l'histoire de notre théâtre, de notre télévision? C'est un monument à plusieurs égards, dans la mesure où, du temps où il exerçait son métier, du temps où il faisait de la scène, de la télévision, il était une des plus grandes vedettes de son temps. Autant avant le moment où il a été médiatisé, donc sur les planches, quand on regarde les journaux de l'époque, il est toujours dans les titres des publicités, avec mandat parent aussi. Et quand il arrive à la télévision, il va devenir une très, très grande vedette. Et son importance, c'est aussi au point de vue symbolique, parce que comme vous l'avez dit en introduction, après, il va devenir en quelque sorte le symbole, le père ou le grand-père de l'humour au Québec. Ouais. Et on connaît l'importance de cette industrie-là au Québec encore de nos jours et peut-être encore plus qu'à l'époque, si on veut. Donc, d'un point de vue à la fois contemporain et dans la mémoire collective, Olivier Guimond est un grand de la culture au Québec. Est-ce qu'il y a encore une filiation? Parce que c'est vrai que la scène québécoise de l'humour, elle est foisonnante. Il y a encore une filiation avec Olivier Guimond. En tout cas, il veut dire quelque chose pour ces jeunes humoristes québécois. Mais j'ai l'impression que grâce au discours de la mémoire collective, du fait que son nom est présent dans la mémoire collective, il est souvent pris en référence, on va souvent nommer son nom, peut-être un peu moins que Yvon Deschamps pour la génération actuelle, qui est un petit peu plus influencée par le monologue, par le stand-up, et cette tradition-là, d'où vient Olivier Guimond, celle du théâtre burlesque, celle d'une comédie un peu plus physique, un peu plus corporelle, elle est moins présente de nos jours quand même. Donc, je dirais que son influence, elle est plus symbolique que concrètement esthétique ou dans les pratiques. Ouais. Parlons de ses origines, parce que c'est intéressant, il sera un grand de la scène du burlesque, mais son père l'est aussi. En fait, il naît dans une famille d'artistes, un père grande vedette, lui aussi comédien, lui aussi une mère danseuse. Ça va le suivre, ça, dans son enfance, dans sa jeunesse, ce milieu artistique. Oui, Olivier Guimond naît en 1914 et à ce moment-là, son père et sa mère travaillent dans le milieu du théâtre burlesque au Québec. Ce qui est important, au Québec et par ailleurs à l'extérieur aussi, hein, en Ontario, en Nouvelle-Angleterre. C'est l'époque des grandes tournées. C'est le début des grandes tournées. C'est un peu l'anticipation des grandes tournées des années 30, qui vont mettre en scène justement le fils Olivier Guimond. Et donc à ce moment-là, il grandit dans une famille. Son père, Olivier Guimond père, est un franco-ontarien. Sa mère est originaire d'Écosse et il va grandir dans un foyer anglophone jusqu'à sa scolarisation. Et il va grandir à Montréal. Il va beaucoup suivre ses parents dans les spectacles aussi dès un très très très très jeune âge. Mais on sait que son père aspirait à autre chose pour lui. Il voulait pas tant que ça qu'il s'habitue à ce mode de vie-là et ils l'ont placé en pensionnat au Mont-Saint-Louis à l'âge de 6 ans, en 1920. Tu vas faire des études, mon fils. Tu vas faire une profession libérale. Tu feras pas comme ton père, même si son père était réussissait très bien dans le milieu et sa mère FIMAC aussi par ailleurs. Mais donc, on l'envoie au Mont-Saint-Louis et il va rester là jusqu'à l'âge de 16 ans. Ensuite, ses parents veulent l'inscrire au collège O'Sullivan, mais ça, il va abandonner assez rapidement et il va commencer à insister énormément pour pouvoir aller faire du travail de spectacle avec ses parents, pour les suivre dans leur tournée et dans les spectacles à Montréal aussi. Et ce qui est assez particulier, c'est que au moment où Olivier Guimond, fils, commence à avoir un certain succès, son père est toujours là et lui est une vedette aussi. Ça se passe comment, cette relation entre père et fils? Leurs deux carrières vont en effet se chevaucher sur une décennie, là, surtout les années 30. Son père, bon, il y a plusieurs, notamment dans la série, vous avez passé un petit extrait de la série Olivier Guimond de la fin des années 90, on présente souvent son père comme un personnage assez autoritaire dans le métier. Donc, une personne qui ne veut pas se faire voler la vedette. Et c'est assez classique. On a entendu souvent aussi Gilles Latulippe parler du fait que le comique sur scène ne veut pas se faire voler ses répliques. Ouais. Et donc, au départ, Olivier Guimond, fils, il va faire les rôles de premier. On l'a entendu dans l'entrevue tout à l'heure. Il va servir un petit peu de faire-valoir à son père. Mais lui, rapidement, il veut s'établir comme un comique aussi. Et il va avoir cette période-là dans les années 30 où parfois, on les voit les deux en même temps en vedette sur la rue Saint-Laurent, un au King Edward, un au Starland de l'autre côté de la rue. Et Olivier Guimond, fils, a pris le surnom de scène de son père, donc Tizoun, mais là, c'était Tizoun Junior. Et il va utiliser ce nom-là, surtout dans les années 30-40, lors de ses tournées avec Jean Grimaldi aussi. Mais donc, la relation est assez conflictuelle dans la mesure où, premièrement, son père ne voulait pas vraiment qu'il fasse une carrière de scène. Il finit par consentir et c'est lui qui lui donne sa première chance. À Trois-Rivières, à Québec aussi, ils vont faire des spectacles ensemble. Mais son père ne voudra jamais vraiment que son fils pousse et était très critique de ce qu'il faisait. Et ça a marqué énormément la carrière et la vie personnelle d'Olivier Guimond, fils. Ouais. Ce tiraillement, cette tension avec son père, ça nous permet de parler d'un trait de personnalité qui va suivre Olivier Guimond toute sa vie, l'espèce de clown triste, au fond. Il y a l'Olivier Guimond qui est dans la lumière, qui fait rire sur scène, et l'homme qui est angoissé, qui est anxieux dans l'ombre. Et ça, c'est avec son père, mais les femmes de sa vie, il y a ce côté double, il est là tout le temps. Oh, il y a une dualité. Tout le monde qui a travaillé avec lui parle du fait que sur scène, eux-mêmes avaient de la misère à retenir leur rire, qu'il était une machine à faire rire, qu'il émanait l'humour, si on veut, sur scène. Et en effet, dans sa vie privée, c'est une personne qui bataillait avec beaucoup de complexes, qui bataillait aussi avec une certaine tristesse, notamment de sa relation avec son père, dont on a parlé. Il y avait une relation plus saine avec sa mère, à ce qu'on peut entendre dans les différentes entrevues qu'il a données. Mais aussi, comme vous le dites, avec les relations qu'il a eues, bon, il se marie une première fois avec une danseuse de la troupe Grimaldi dans les années 30, Evelyn Drummond. Ça ne durera pas très longtemps. Il va ensuite avoir une amourette qui s'étire assez longtemps avec la grande Alice Robbie, qui elle-même, avant d'avoir sa carrière internationale pour laquelle on la connaît plus, qui a fait des séjours aux États-Unis et tout, elle a commencé aussi sur les scènes de théâtre burlesque de Rose Ouellette, de la Poune à Montréal et ensuite les tournées de Grimaldi à travers le Nord-Est américain. Et ils vont se fréquenter sur une assez longue période à ce moment-là. Et leur relation, qui était très passionnelle, se serait terminée au moment où elle quitte ce milieu-là pour se rendre vers une scène un peu plus grande. Et là, ensuite, lui va s'amouracher d'une autre artiste des troupes avec qui il travaille, qui est Jeanne-Dac Charlebois, Jeanne Darbois, qui était son surnom de scène à l'époque, une chanteuse qui était notamment connue pour ses célèbres imitations de Mary Travers, de la Bolduc. Et même chose, relation un peu conflictuelle dans la mesure où, dans la vie privée, Olivier Guimond a aussi des problèmes d'alcool et va finalement le quitter et partir avec ses deux fils. Elle a été en Europe pendant un bout de temps, après ça aux États-Unis. Donc, dans sa vie privée, il y a beaucoup justement d'éléments un peu plus dramatiques qui sont un contrepoids très clown triste avec sa personnalité. Ce mal-être-là, parce qu'à ça, au fond, il le suit tout le temps, partout dans sa vie privée. Revenons à ses tout débuts. Vous l'avez un peu évoqué, ça commence avec son père, mais on l'entendait dans l'extrait, ça ne dure pas très longtemps. Ça a l'air de quoi, ses premiers pas sur scène, Olivier Guimond? Bon, donc, on parle de 1931. Lui, quand il parle en entrevue, il dit avoir commencé en 1931. Il aurait commencé en faisant des apparitions de premier avec son père et tout. Sa mère, dans certaines entrevues, mentionne qu'il a déjà fait de la scène un petit peu avant de joindre la troupe de son père. Donc, il aurait fait des petits cabarets sur la rue Sainte-Catherine, sur la rue Saint-Laurent. Mais donc, c'est surtout à partir de 1931 qu'il va commencer à apparaître dans les publicités de journaux et compagnie en tant que petit jeune junior. Il va faire les spectacles avec son père. Et c'est en 1934 que Jean Grimaldi, qui est un grand producteur, directeur de tournée, directeur de spectacle à cette époque-là, qui va l'inviter dans sa troupe. Et c'est à partir de ce moment-là que Olivier Guimond-Fils va développer son personnage de Tizoune Junior que les gens vont connaître beaucoup en duo avec Manda Parent aussi, qui est une grande comique de l'époque. Ouais. Ils vont faire la tournée du Québec, mais aussi de l'Ontario français, de la Nouvelle-Angleterre, partout où il y avait des communautés francophones. Il va aussi, comme beaucoup d'artistes de ce moment-là, bon, reprendre des canevas de théâtre burlesque, qui était déjà présent dans la culture, dans ce milieu-là à l'époque, mais il va aussi les adapter puis développer les siens. On dit que c'est lui qui aurait contribué énormément à développer 3 heures du matin avec Manda Parent, qui est probablement un des numéros les plus célèbres de l'histoire du burlesque au Québec, qui a été repris par plusieurs artistes, notamment dans la série sur Olivier Guimond, mais aussi dans des galas juste pour rire. Donc la fameuse Manda Parent qui est au balcon avec son rouleau à pâte et Olivier Guimond qui rentre complètement bourré à 3 heures du matin. Et ça se passe toujours comme ça. Il y aura toujours, pour parler en mauvais français, un straight man, un second, tout le temps. Ce sera Denis Drouin plus tard qui sera son acolyte. Mais toujours cette formule du duo, la tradition du burlesque, un jeu très physique aussi qui s'inspire assez directement de la tradition de la pantomime. Et ça peut donner à peu près ce qui suit. Ben, y a tellement de bons danseurs à Boston. Oui. Quand ils se rencontrent sur la rue, au lieu de se parler avec des paroles et des mots, sais-tu de quelle manière il se parle? Non. Avec les pieds? Puis, ah ben écoute, le pouce, mes pouces égales. Oui, en dansant, en faisant des pas de danse. Dis-moi quelque chose, là. Va dire quelque chose en dansant. OK. Alors, je vais voir. Hein? As-tu compris? Ah, t'as parlé en anglais, toi, là? Non. Mais non, j'ai pas parlé en anglais. C'est en français. J'ai pas compris un mot. T'as bien compris? Non. Alors, tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire? Non, qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire les bonnes vieilles bines de Boston. Les pas. Good old Boston big beans, comme on dit en anglais. Yes, sir. Ouais, alors. T'es capable de répondre? Certainement. En dansant? Oui. Montre-moi dans ça. Tu veux que je te réponde? Oui, oui. J'ai parlé un peu fort. Oui, un peu, oui. Un peu fort puis un peu bas. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu viens de danser là? Ça, c'est du ketchup de Rigaud pour tes bines de Boston. Extrait d'émission, place à Olivier Guimond, diffusé en 1966. On y entend Olivier Guimond et Paul Desmarteau. Ça, c'est un extrait, Pierre Lavoie, assez typique de la manière de jouer d'Olivier Guimond. Comment décrire le style Olivier Guimond? Bien entendu, c'est inscrit dans la tradition du burlesque. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est très représentatif des numéros qu'il va faire, surtout dans les années 50 aussi, dans les cabarets. Donc, beaucoup le duo straight man avec le comique. Ouais. Malheureusement, on a seulement les expressions anglaises parce que c'est une culture très anglophone. Mais au début, dans les années 30, il fait aussi beaucoup des scénettes, des sketchs, des bits comiques. Donc, la culture du théâtre burlesque est une culture théâtrale. Donc, souvent, il va y avoir un décor, il va y avoir plusieurs intervenants qui vont arriver. Mais donc, son style... D'abord, il possède plusieurs talents, comme beaucoup de personnes de cette scène-là. Comme son père, il va savoir chanter, il va savoir danser, il va savoir jouer. Et comme vous le disiez, c'est très, très, très corporel. Donc oui, il y a les blagues dans le cadre des sketchs burlesques, c'est très improvisé. Dans le cadre des stand-up comiques, des fois, c'est un petit peu plus écrit, mais à peine, c'est très improvisé aussi. Mais c'est surtout pour son humour corporel qu'il va se faire reconnaître. Il est très souple, il est très agile, il tombe très bien. C'est mimique. C'est mimique. D'ailleurs, ça, c'est ce qui va l'aider. On reviendra un peu plus tard à la télévision, mais c'est ce qui va l'aider à faire la transition. Son visage est extrêmement plastique. Ouais. Il y a des expressions faciales qui sont très, très émouvantes parfois, très, très comiques à d'autres moments. Et donc, il va être reconnu pour certains trucs en particulier, notamment tomber la face la première au sol et briser à moitié sa cigarette et se relever arrivé. Il va faire des numéros aussi très comparables à ceux de Charlie Chaplin à la même époque. Donc, les fameuses marches d'escalier qu'on descend en titubant et qu'on a toujours l'impression qu'on est sur le point de tomber, comme un funambule un peu qui se promène dans les marches comme ça et autour des tables. Donc, c'est pour son humour corporel et, comme vous le disiez, ses expressions faciales absolument caractéristiques. Donc, cette grande tradition. D'ailleurs, quand on lui dit « Est-ce que vous êtes un mime ou un comique? » Il dit « Ben, je suis un mime, mais comique. » et donc, oui, Charlie Chaplin, Buster Keaton. Puis ensuite, il y en aura d'autres aux États-Unis. Là, c'est pas très loin de Bob Hope, Jerry Lewis, Dean Martin. C'est ça, l'humour et la manière de jouer d'Olivier Guimond. La télé, vous en parliez. Il commence à Radio-Canada. Il va devenir une immense vedette. Mais c'est vraiment quand il arrive à Télémétropole qu'il connaît ses plus grands succès. Oui, à la fin des années 50 puis au début des années 60, il va avoir certaines petites apparitions à Radio-Canada, notamment dans des opérettes. Mais c'est vraiment à Télémétropole qui va devenir une grande vedette. On le sait, il était dans le zoo du Capitaine Bonhomme en tant que Freddie Washington, mais son personnage culte, le personnage qui a marqué les esprits, c'est clairement dans Crébazine de Gamache à partir de 1965 jusqu'en 70, qui va être une sitcom, donc une comédie de situation adorée des Québécois, qui va se tenir à la tête des palmarès pendant les 5 ans de sa diffusion. Et Olivier Guimond, qui était déjà très connu au niveau local, si on veut, dans le sens de localité par localité, grâce au théâtre burlesque. Là, il va être connu à l'échelle nationale, à la grandeur du Québec et ainsi passer dans plus de foyers, si on veut. Et c'est aussi, on oublie parfois cet élément-là, mais les publicités de la Bat 50 qui l'a fait aussi, les fameuses publicités, lui, il connaît ça. Ouais. Donc, il se promène et il se met à pasticher, à mimer les métiers de différents Québécois et il termine en disant, lui, il connaît ça. Bien, certaines personnes mentionnent que c'est probablement la chose qui a été le plus connue, la plus vue d'Olivier Guimond et qui aurait aidé par ailleurs à faire augmenter les ventes de la Bat au Québec. Et ça montre l'importance, la notoriété qu'il a. Il est vraiment, à ce moment-là, c'est son pic, la fin des années 60. Il est très, très, très début des années 70. Très, très, très connu, mais fin des années 60 essentiellement. En 70, il fait un retour à Radio-Canada à l'émission La branche d'Olivier qui sera pas un succès. En fait, c'est plutôt un du flop. Mais la même année, il apparaît dans un sketch du Bye Bye qui, lui, passera à l'histoire. Et que c'est donc beau la nuit de la journée de l'an. Il y a tellement de fun partout. Hein? Oui, vous avez raison. Il y a de fun partout, partout, M. Thompson. D'où est-ce que tu viens, toi? Ouais, je viens de Saint-Henri. Saint-Henri. Wow. Oh, ouais, yes, I've never been there, but I heard about it. Saint-Henri, oui. Yeah, where is it exactly? Ben, juste en bas, là. En bas, là, regardez, direct en bas. Là. Oh, yeah. Où, là? Oh, yes, right down there. Ouais, où est-ce qu'il n'y a pas de lumière, là? C'est coin noir, là. Juste à Saint-Henri. Olivier Guimond et Denis Drouin au Bye Bye 70. Pourquoi ce sketch-là est un si grand sketch? Qu'est-ce que ça nous dit sur Olivier Guimond, Pierre Lavoie? Bien, premièrement, je pense que c'est devenu un si grand sketch aussi parce que ça se marque bien dans l'histoire culturelle québécoise. On est dans le contexte de la crise d'octobre, c'est ce que ça représente. Donc, le soldat canadien-français qui garde une maison de bourgeois dans Westmount, de bourgeois anglophones dans Westmount. Donc, c'est un premier élément, ça le situe historiquement. Ça traduit le malaise de l'époque. Là. Ah, et, énorme. Et très, très vite, hein, c'est dans le Bye Bye 70, donc la crise d'octobre, elle vient à peine de se terminer et paf, ils font déjà ce sketch-là la même année. Oui, et c'est une façon de l'aborder de façon très poétique, je trouve, de façon pas trop une confrontation frontale, si on veut, avec le sujet, mais ça permet d'aborder les hiérarchies sociales qu'il y a au Québec, les hiérarchies culturelles. Et donc, ce qui va faire que le numéro en tant que tel va être très, très, très réussi, c'est qu'on revient un petit peu plus, alors que la branche d'Olivier, la série à Radio-Canada, a essayé un petit peu plus de le contraindre, là, on revient à ses talents naturels, donc vers l'improvisation. Il y a plusieurs personnes qui vont mentionner, dont Denis Drouin, son collègue, qui vont mentionner que le numéro a pratiquement été improvisé. C'est un one take, comme on dit en anglais. Ouais. Donc, une seule prise. Et qu'à ce moment-là, ils vont inventer le numéro presque en temps réel. Si on veut. Il meurt en 71, le 29 novembre 1971, Olivier Guimond, alors qu'il n'a que 57 ans. On écoute Gilles Latulippe parler de son ami au moment de son décès et son éternel second, Denis Drouin, justement, décrire au même moment le poids que va avoir pour Olivier Guimond l'échec de son retour à Radio-Canada avec l'émission et le flop que ce sera la branche d'Olivier. Olivier avait du génie, madame. Olivier, c'est... Avec la perte d'Olivier, j'ai l'impression que le monde de la comédie perd son cœur. Parce qu'Olivier, c'était ça. Personne ne pouvait approcher Olivier sans attirer quelque chose de bon. je pense qu'avec Olivier, c'est justement l'erreur qu'on a peut-être fait à Radio-Canada l'an dernier. C'est de vouloir faire avec Olivier, qui avait un talent énorme, qui avait un métier fou. Il faisait 40 ans cette année qu'il faisait ce métier-là. Et il y a toujours eu des gens qui ont toujours voulu essayer de faire autre chose avec M. Guimond que ce que M. Guimond faisait. Je pense que quand on fait le métier qu'il faisait, dans ce genre-là, avec la perfection qu'il faisait, on n'a pas besoin de faire autre chose. Et je pense que l'an dernier, justement, comme on disait, Mme Pétry disait tout à l'heure, que c'est un gars excessivement charmant, qui dit jamais un mot, qui ne veut pas faire de peine à personne. C'est un gars sans défense. Sans défense. L'an dernier, ce gars-là a été malheureux, mais pour ne pas faire de peine à quelqu'un, il n'a jamais parlé. Et je pense que sa maladie, c'est un peu le départ, c'est ce qui est arrivé l'an dernier. C'est un peu le départ de ça, parce que c'est un gars excessivement sensé. Excessivement. Un mot d'abord sur ce qu'on vient d'entendre, Pierre Lavoie, Denis Drouin, qui dit que ça va avoir été très, très important, cet échec pour Olivier Guimond de la branche d'Olivier, que ça va avoir eu un impact sur sa mort prématurée. En fait, tous ses proches ont tenu un discours assez semblable. Sa dernière femme, Manon Brunel, tient des propos semblables dans sa biographie. On le sait qu'il est au sommet de la gloire à Télémétropole quand il quitte Crébasil pour aller faire la branche d'Olivier. Et ce sera un flop de plusieurs façons. C'est un flop populaire dans la mesure où ça ne fonctionne pas très bien. Il va y avoir un nombre limité d'épisodes. Il me semble que c'est quelque chose comme 10 ou 11 épisodes seulement. Et ça va être un flop au niveau aussi de sa pratique dans la mesure où on essaie de l'encadrer plus. Ouais. On essaie de lui donner des textes plus scriptés. On essaie de le maintenir dans le cadre de la caméra de façon un petit peu plus rigide. Et pour un homme de l'improvisation et un homme de déplacement et de corps comme Olivier Guimond, je dirais même que c'est castrant. Donc, ça rend sa création presque impossible. Et au niveau de la vie personnelle, comme je le disais, ses proches ont mentionné qu'il avait pratiquement arrêté de boire dans les années 60, presque tout au long de sa carrière de télévision, en fait, et qu'il aurait recommencé à boire à cause de son échec à la branche d'Olivier. C'est aussi pour lui cet éternel combat, grand artiste populaire, mais le retour à Radio-Canada, c'était le retour dans la grande maison, cette espèce de volonté de reconnaissance, et ça marche pas, finalement. Non, puis on se rend compte à quel point les artistes populaires de cette époque-là sont marqués par l'hiérarchie culturelle. Donc, on le sent que pour eux, même s'ils adorent leur public et ils adorent leur art, mettons le théâtre burlesque, par exemple, ils ne donnent pas de valeur énormément d'un point de vue culturel ou artistique à ces pratiques-là. Ils vont souvent vouloir se faire voir et se démarquer dans des productions légitimes. Ouais. On va entendre Olivier Guimond dire notamment qu'il aurait aimé jouer dans un bon film ou qu'il aurait aimé, mais qu'il craignait, par exemple, jouer un Molière. Pour lui, c'était quelque chose d'un peu inaccessible. Et ça va le suivre tout au long des années 60. Ça va motiver sa décision de retourner à Radio-Canada sans l'ombre d'un doute. Et c'est probablement un des plus grands malheurs qui va le suivre. Puis il y a des comparaisons à faire aussi avec le jugement très sévère que son père avait sur sa pratique. Mais lui-même avait un jugement très sévère sur ce qu'il met en scène et aurait probablement aimé être connu comme un artiste plutôt que comme un entertainer, comme on dit parfois par rapport à ce milieu-là. Pierre Lavoie, doctorant en histoire à l'Université de Montréal, passionné de cette scène du burlesque au Québec dans la première moitié du 20e siècle. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Alain Savoie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.